Le 9 courant, Nam Sung-woo, vice-président du Présidium du Comité central de la Chongnyon, Association générale des Coréens résidents au Japon, a publié une communication pour soutenir la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, qui a rejeté totalement la résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, produit illégal adopté par les Américains et leurs suivistes, à la suite du lancement d'essais de la fusée balistique intercontinentale de notre République.